Lorsque vous décidez de fantasmer sur une chose qui ne vient pas de Dieu, le diable vous fait frétiller au bout de son hameçon. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. Chaque acte de péché est en réalité commis deux fois. Une première fois dans notre pensée et une deuxième fois par nos gestes. Si nous voulons gagner la bataille contre la tentation et marcher continuellement par l'Esprit, nous devons prendre l'habitude de triompher sur le champ de bataille de la pensée. C'est important de le savoir, votre pensée joue un rôle crucial pour obtenir le succès ou subir l'échec dans votre marche chrétienne. Par conséquent, si vous désirez sérieusement marcher dans la puissance du Saint-Esprit, vous devez protéger soigneusement votre pensée contre la tentation. Nous apprendrons à contrôler efficacement notre pensée en écoutant Charles Stanley nous dire « Comment entretenir une vie remplie de l'Esprit ». Vous écoutez présentement En Contact. Avant de recevoir personnellement le Seigneur Jésus-Christ comme notre Sauveur, nous étions esclaves du péché. Nous étions tentés, et malgré nos plus beaux efforts et nos promesses les plus sincères à Dieu, nous succombions quand même à la tentation. Avant de recevoir Jésus, le combat était inégal, car il nous opposait au diable, et nous n'étions pas de taille. C'était sa puissance contre notre faiblesse. Nous n'avions aucune chance de l'emporter. Nous vivions dans la défaite. Et même après que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, si personne ne vous a instruit en vous disant « à partir d'aujourd'hui », votre relation envers le péché est complètement transformée. Satan pouvait continuer à vous tenter, et vous aviez tellement l'habitude de céder face au péché qu'il s'en tirait encore avec la victoire. Vous pensiez « je suis tellement faible, je semble incapable de résister ». Avec toutes ces années d'échecs et de désobéissance avant de connaître Dieu, vous aviez pris l'habitude de céder à la tentation et vous avez continué de le faire après votre conversion, parce que vous ne compreniez pas la transformation de votre relation avec le péché. Et même si, encore aujourd'hui, vous aimeriez bien être rempli du Saint-Esprit et marcher dans la soumission au Saint-Esprit, cela vous semble au-delà de vos possibilités, car vous vous estimez trop faible. Satan vous a menti sur votre faiblesse en vous laissant croire que vous n'y pouviez rien. Nous sommes effectivement faibles par nous-mêmes. Or, nous devons nous rappeler que nous avons maintenant accès à la puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance intérieure, cette présence de Dieu en nous par son Saint-Esprit, nous permet de devenir et d'accomplir tout ce que Dieu désire. Essentiellement donc, le péché est un élément étranger dans la vie du croyant. Il jure avec notre vie renouvelée. Il n'a aucun rapport avec notre nouvelle vie. Et en vérité, nous bénéficions de l'aide du Saint-Esprit qui nous donnera l'enseignement et la puissance d'éliminer le péché hors de notre vie. Nous devons donc d'abord commencer par comprendre quelle relation nouvelle nous avons avec le péché. Paul affirme que nous sommes maintenant affranchis de sa puissance. Il n'a plus ni le droit ni l'autorité de régner sur nous, et s'il persiste à le faire, c'est seulement parce que nous le lui permettons, et parce que nous en avons décidé ainsi. Voilà pour la première étape. Nous pouvons maintenant passer à la deuxième étape de notre combat contre la domination du péché. Nous y consacrerons beaucoup de temps. Nous pourrions caractériser cette étape par la pensée suivante. Nous devons reconnaître que notre pensée est le champ de bataille du péché. C'est là où tout se joue, où la bataille se gagne ou se perd. Beaucoup de gens pensent que la bataille commence lorsqu'ils sont tentés de faire quelque chose de mal. Nous devons comprendre que la vraie bataille ne commence pas quand la tentation se présente et que nous avons à choisir. Vais-je y succomber ou non? La plupart des gens pensent que la bataille débute à ce moment. Nous devons apprendre à régler la question de nos pensées avant qu'elles ne deviennent un problème. Les mauvaises pensées ne sont pas un péché en elles-mêmes, car le diable nous en envoie une quantité considérable chaque jour. Or, quand une mauvaise pensée se pointe à l'horizon de notre conscience, nous devons immédiatement déterminer ce que nous allons en faire. Allons-nous jongler avec, la décortiquer, l'analyser, y opposer sans attendre notre droit de veto et lui indiquer promptement le chemin de la sortie. Si je marche dans l'esprit, tout ce qui va dans un sens contraire à ma soumission envers lui, à ma dépendance de lui, à ma confiance en lui et à ma sensibilité envers lui ne me convient plus parce que je suis une nouvelle création en Jésus-Christ. La bataille commence donc bien avant notre choix de succomber ou non à la tentation. Elle commence avec une pensée. Et plus vous nourrissez une pensée mauvaise, peu importe la nature de votre talon d'Achille mental, plus vos chances de gagner cette bataille diminuent. La bataille est souvent terminée avant même que vous le réalisiez. Si vous avez reconnu une faiblesse dans votre personnalité, vous ne pouvez vous permettre le luxe de nourrir des pensées mauvaises dans cet aspect de votre vie. Car si vous vous laissez aller à des rêveries dans un domaine où Satan détient une forteresse dans votre pensée, les jeux sont faits. Vous pourrez lire la Bible, prier, sauter à la corde, crier et faire ce que bon vous semble. Satan vous tient et il est très fort à ce jeu. Toutefois, il n'est pas plus fort que Dieu. Vous avez commis une première erreur et un premier acte de désobéissance en vous attardant sur une mauvaise pensée. Car en faisant cela, vous avez dit au Saint-Esprit quelque chose de ce genre. « Je n'ai pas l'intention de le faire, je veux seulement y réfléchir un peu. » Or, rien ne vous obligeait à y réfléchir juste un peu, car rendu à ce point, il est déjà trop tard. La défaite vous tend ses bras décharnés. Vous ne pouvez pas vous le permettre. La bataille est terminée avant même de l'avoir commencée. Vous ne pouvez qu'assister comme témoin impuissant au mauvais comportement résultant d'une bataille commencée dans votre tête et que vous avez perdu en nourrissant une pensée qui n'allait pas du tout avec la personne que vous étiez devenue. Ouvrons notre Bible dans la première épître de Pierre, chapitre 1, verset 13. « C'est pourquoi, saignez les reins de votre entendement, soyez sobres et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. » Par l'expression « saigner les reins de votre entendement », l'apôtre nous invite à préparer nos pensées à l'action et au combat, quelle que soit la nature de la stimulation qui se présentera à notre pensée et à laquelle nous aurons à faire face. Les gens aiment dire « nous devons garder l'esprit ouvert et demeurer neutre dans notre pensée ». Mais est-il bien prudent de demeurer ouvert et neutre par les temps qui courent? Comment pouvons-nous demeurer neutres au niveau de notre pensée quand nous vivons dans un monde vendu au royaume des ténèbres, un monde où les ténèbres abondent? Le mal est partout autour de nous. Comment pouvons-nous rester neutres? Comment pouvons-nous marcher avec un esprit soi-disant ouvert, avec toutes ces puissances démoniaques qui nous environnent, en essayant de nous influencer pour que nous commettions de mauvaises actions qui détruiront notre vie? Nous ne pouvons pas nous permettre de rester neutres. Nous devons choisir de quel côté nous sommes. La bataille de notre entendement débute au moment où Satan nous décoche une mauvaise pensée. Nous avons alors le choix. Nous pouvons accueillir cette pensée, la nourrir et la décorer. À ce moment, nous nous dirigeons tout droit vers la défaite, car nous savons depuis le début que cette pensée n'a rien à voir avec notre nouvelle identité en Christ. Pourquoi alors jouer avec un bâton de dynamite allumé? Ne vaudrait-il pas mieux le jeter au loin avant qu'il ne nous pète à la figure? Refusons l'accès à cette pensée. Nous en sommes capables, car il est écrit dans la première épître de Jean, chapitre 4, verset 4. « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Oui, nous avons la victoire face aux esprits qui s'opposent à Dieu, car le Saint-Esprit qui habite en nous nous a déjà accordé la puissance et la capacité de refuser l'accès au péché, aux démons, à la tentation, au monde et à toute chose mauvaise dans notre vie. Nous en avons les moyens. Il nous appartient maintenant de déterminer si nous en avons la volonté. Regardons maintenant un autre passage dans Colossiens chapitre 3, versets 1 et 2. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. » Paul veut ici nous faire comprendre que lorsque nous avons été sauvés par la grâce de Dieu, nous sommes morts à notre ancien mode de vie. Nous avons été ensevelis avec Christ et nous sommes ressuscités en nouveauté de vie. Nous sommes maintenant de nouvelles créations en Christ et des êtres spirituels. Nous possédons la connaissance, la sagesse et le don que Dieu nous a accordé et nous pouvons vivre dans la plénitude de l'Esprit. Continuons notre lecture au verset 2. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Nous devons nous concentrer sur les choses d'en haut, car nous devenons semblables à l'objet de nos pensées. En pensant aux choses d'en haut, elles deviendront une priorité dans notre vie. Nous ne pouvons pas séparer notre vie spirituelle des autres aspects de notre vie, car nous ne sommes plus des êtres physiques, nous ne sommes plus des êtres mentaux ou émotifs. Nous sommes des êtres spirituels en qui Dieu demeure par l'intermédiaire de son Saint-Esprit. La frontière entre le séculier et le spirituel n'existe que pour les incroyants. Quant à nous, nous sommes des êtres spirituels, même si parfois nous éprouvons de la difficulté à accepter notre position devant Dieu. Rappelons-nous toujours des privilèges rattachés à notre condition. Dieu nous aime au point d'habiter en nous. Il habite en nous. Il nous montre ainsi comment il nous estime. Il habite en nous en tant que personne et nous ne pouvons nous séparer d'un autre aspect de notre vie en disant « cela est spirituel et cela n'est pas spirituel ». Car tout est spirituel pour nous parce que nous sommes des êtres spirituels. Tout ce que nous percevons est interprété avec l'aide de notre nouvelle identité en Christ, avec des pensées comme « je suis un enfant de Dieu » ou « l'Esprit de Dieu exerce un plein contrôle sur moi ». Toutes les stimulations provenant de l'extérieur sont tamisées par cette nouvelle identité. Et toute mauvaise pensée déclenche en nous une alarme, et nous pensons ces termes. Cela ne concorde pas avec qui je suis. Je dois me débarrasser de cette pensée. Nous avons reçu l'exhortation. Attachez-vous aux choses d'en haut, et on pourrait se demander comment nous pouvons y arriver. Tout dépend du choix que nous faisons. Nous pouvons nous attacher aux choses du monde et aux choses de Dieu. Cela veut-il dire que nous devrons marcher la tête dans les nuages et nous comporter comme des mystiques? Non! Cela signifie que lorsque nous nous rendons au travail ou à l'école, ou lorsque nous allons retrouver nos amis ou notre famille, nous faisons passer toute information venant de l'extérieur à travers la grille d'interprétation de notre nouvelle identité en Christ. Nous devons tout analyser à la lumière de la nature de Dieu, de notre propre nature et de la nature de celui qui habite en nous, selon le plan et l'objectif de Dieu pour notre vie. Tout doit être passé au crible, car sans cela, nous connaîtrons défaite après défaite. Et pourquoi tant de croyants vivent-ils dans la défaite? Premièrement, parce qu'ils ne connaissent rien de la marche selon l'Esprit, et deuxièmement, parce que Satan les tient liés. Ils vivent dans la défaite, même s'ils sont sauvés. Il n'est pas étonnant qu'ils se découragent et qu'ils ne veuillent pas aller à l'église. Il n'est pas étonnant qu'ils ne veuillent pas vivre chrétiennement. Il n'est pas étonnant qu'ils ne tirent aucun témoignage, aucune joie, aucune paix, aucun bonheur, aucune satisfaction et aucun but de leur vie. Ils ont été vaincus par les mensonges du diable, car ils ne comprennent pas leur véritable identité en Christ et la nature de sa présence en eux. Ils ne se sont jamais attachés aux choses de Dieu. Après leur conversion, ils sont retournés dans le monde en pensant que rien ne serait plus comme avant. Or, Satan leur est tombé dessus. Regardez avec moi, si vous le voulez, Philippiens, chapitre 4, verset 8, pour obtenir une liste du genre de choses auxquelles nous devons nous attacher. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Les indications de ce passage sont simples et claires. Et si des pensées contraires au contenu de cette liste nous viennent à l'esprit, nous devons redoubler de vigilance, car elles pourraient être les signes avant-coureurs d'une attaque. Certains pourraient dire, si nous devons suivre cette recommandation à la lettre, nous éliminons beaucoup de choses. C'est tout à fait exact. Dieu merci. Pour maintenir votre cadence de marche avec le Seigneur Jésus-Christ par son Saint-Esprit et pour vivre dans la plénitude de l'Esprit, vous devez vous affectionner à des choses vraies, honorables, justes, pures, aimables, etc. Vous devez attacher votre pensée à de tels sujets et ne rien tolérer d'autre. Regardons maintenant 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 et 5. Nous y trouverons d'autres instructions utiles à notre marche spirituelle. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Car les armes avec lesquelles nous combattons. Paul ne pouvait pas être plus clair. Nous sommes en guerre et le champ de bataille est notre pensée. Satan a déjà pris pied dans notre pensée et y a établi des forteresses afin de nous vaincre. Or, nous possédons des armes pour reprendre le terrain perdu. Elles ne sont pas charnelles, mais puissantes, parce qu'elles nous ont été données par Dieu. Elles nous aideront à renverser les forteresses et, autre chose encore, comme nous pouvons le voir au verset suivant, verset 5, nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Nous renversons les raisonnements. Paul fait référence ici aux spéculations et aux fantasmes. Ce genre de rêve éveillé commence souvent par une phrase comme « Je me demande ce qui arriverait si… » Et je puis vous dire que ce genre de spéculation et fantasme peut nous occasionner beaucoup de problèmes. Car lorsque nous spéculons sur une chose qui ne vient pas de Dieu, nous nous donnons le droit de choisir notre sujet de pensée. À ce moment, nous ouvrons la porte à Satan. Mais Paul nous prévient dans ce verset, « Nous renversons toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. » Car la pensée humaine, laissée à elle-même, est influencée par la chair, le monde et le diable, élaborera très rapidement des sujets de réflexion hautains et arrogants. Toutefois, nous devons les rejeter. Satan ne peut pas nous obliger à rester sur ce terrain miné. Nous pouvons décider de rejeter ou d'accepter toutes les fabrications humaines utilisées par Satan qui se dressent contre la vérité dans le but de détruire notre vie. Toujours au verset 5, « Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. » Les raisonnements du monde ne vont plus avec notre nouvelle nature de croyant passé sous le contrôle et la dépendance du Saint-Esprit. Nous sommes les seuls à pouvoir décider d'accepter ou de rejeter ces pensées hautaines qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. Cela signifie que si Satan nous attaque avec une tentation très puissante, nous pouvons répliquer en disant « Je décide de rejeter cette pensée au nom de Jésus-Christ. » Car nous bénéficions maintenant d'un allié puissant en nous, la puissance du Saint-Esprit. Et cette puissance ne nous donne pas seulement une énergie divine, mais aussi une autorité divine. Dieu nous a donné l'autorité de dire « Non à la tentation, au péché et au diable. Nous possédons l'autorité de détruire, c'est-à-dire de refuser toute pensée nous venant à l'esprit et que nous ne voulons pas entretenir, accepter ou même tolérer. Sinon, nous continuerons à vivre dans la défaite. Satan veut absolument nous empêcher de réaliser que nous possédons en nous la puissance de rejeter ces tentations, de rejeter le mal et de rejeter toute forme de désobéissance envers Dieu. car notre obéissance envers Dieu est la preuve, la mesure de notre amour envers lui. Nous ne pourrons jamais prêcher assez de sermons, chanter assez d'hymnes, donner assez d'argent, ni faire aucune autre chose qui nous permettra de cesser d'obéir à Dieu. Jésus lui-même est catégorique dans Jean chapitre 14, verset 15. « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Nous pouvons parler d'aimer Dieu autant que nous le voulons, mais si nous ne lui obéissons pas, nous sommes des hypocrites devant Dieu et devant le monde si nous désobéissons à Dieu, car notre amour est tourné vers nous-mêmes et non vers Dieu. Toutefois, Paul affirme dans Galates chapitre 5, verset 16, « Je dis donc, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Et si je vis selon l'Esprit, je dois m'attacher aux choses de Dieu. Je dois décider de diriger ma pensée en ce sens. » Je le répète encore, la vraie bataille ne se gagne pas au niveau de mon comportement. La bataille débute au niveau de ma pensée. La bataille avant la bataille a lieu lorsque je décide de nourrir la pensée qui me pousse à désobéir à Dieu. J'entends trop souvent des gens dire « Je n'ai pas la force de résister ». Et pourquoi ne peuvent-ils pas résister? Parce qu'ils ont permis à Satan de prendre pied dans leurs pensées, de fortifier ses positions et diriger une forteresse mentale dans leur tête. Tout cela parce qu'ils ont décidé de caresser une idée qu'ils auraient dû repousser. Tout au long de la journée, nous faisons face à des décisions qui détermineront la victoire ou la défaite dans votre vie chrétienne. Et sans même que nous nous en rendions compte, la bataille fait rage dans notre pensée. Cela semble tellement inoffensif. Pourtant, une pensée malsaine vous vient en tête. Et bien sûr, vous savez que vous ne feriez jamais cela. Oh non! Mais vous décidez quand même de jouer avec cette idée. Vous vous demandez ce qui arriverait si, et vous vous laissez aller à vos rêveries. Satan peut alors prendre pied dans votre pensée. Il ne désire rien de plus. Il est rusé et patient. Laissez-moi vous dire une chose sur Satan. Il n'est pas pressé. Il peut attendre. Il peut attendre que vous lui permettiez de prendre pied juste un petit peu dans votre pensée. Et lentement, progressivement, il va bâtir là-dessus. Avant de vous en rendre compte, il aura érigé une forteresse dans votre pensée. Il peut se permettre d'attendre. C'est pourquoi nous devons nous battre dès le début, au niveau de notre pensée, et de refuser toute réflexion qui ne va pas avec notre véritable identité en Christ, et de la rejeter en son nom et par son sang, car le péché ne domine plus sur nous. Il n'est donc pas question de nous priver de quelque chose. Il n'est pas question non plus de contrôle de la pensée sur la matière. Il est simplement question de réclamer ce qui nous revient de droit par la grâce de Dieu. Nous marchons par l'Esprit quand nous apprenons à résister au péché. Car le péché constitue une force atroce, destructrice, puissante, trompeuse et rusée pour tout croyant. Il se tient prêt à nous vaincre à l'instant où nous sommes disposés à le tolérer et à entretenir toute pensée de désobéissance envers lui. J'ai parfois conseillé à des personnes de ne pas s'impliquer dans un certain genre d'activité ou avec un certain type de personne, de ne pas faire ceci ou cela. Et je me suis fait répondre « Ne vous en faites pas, je suis assez fort, j'ai le contrôle de la situation. » Pourtant, la bataille a déjà commencé et elle continue. Lorsque nous nourrissons une mauvaise pensée et que nous spéculons sur elle, tout en nous promettant de ne pas y céder, nous avons déjà accordé à Satan un point de débarquement dans notre pensée. Et il est tellement rusé et patient qu'il ne nous attaquera pas tout de suite alors que nous sommes encore un peu sur nos gardes. Il nous laissera macérer et mijoter jusqu'à ce que nous soyons cuits à point. Et alors, sans même nous en apercevoir, nous tomberons sous son contrôle. Pour marcher dans l'Esprit, je dois m'appuyer sur le Saint-Esprit. Je dois être dépendant de lui, sensible à lui, et obéir à ses douces incitations. Et quand le Saint-Esprit nous dit « Attention, danger !» Quand l'alarme se déclenche, la décision nous appartient. Dieu a accordé à chaque croyant la capacité de marcher dans son esprit. À nous d'en profiter. Prions. Père, nous te remercions, car tu ne t'es pas contenté de nous sauver pour ensuite nous laisser seuls face à nous-mêmes, mais tu nous as donné les ressources et les capacités, par ton Saint-Esprit, de refuser l'accès à la désobéissance et au péché dans notre vie. Je prie, Père, pour que ce message soit une source d'encouragement pour les nombreuses personnes qui désirent sincèrement t'obéir, celles qui ont déjà pris la décision de marcher dans l'obéissance, mais qui ont vécu dans la défaite depuis trop longtemps. Je prie pour que le Saint-Esprit grave cette vérité dans leur cœur, qui leur rappelle sans cesse qui elles sont réellement, que le péché n'exerce plus sa domination sur elles, que la tentation ne peut plus avoir raison d'elles sans leur consentement, et que le simple fait de s'attarder sur une pensée malsaine est un pas vers la défaite. Je prie pour que le Saint-Esprit ne soit pas seulement le souverain de notre vie, mais qu'il en soit aussi la force directrice. Amen. La plupart d'entre nous sous-estiment sans doute la puissance de la pensée. Mais comme Charles Stanley l'a bien souligné, nos batailles contre la tentation sont gagnées ou perdues au niveau de notre pensée bien avant que nous ne passions aux actes. Nous devons nous rappeler que, pour un croyant, il n'existe aucune place légitime pour des idées, des rêveries ou des fantasmes qui contiennent des éléments contraires à la parole de Dieu. En nous attardant à de telles choses, nous attachons notre pensée à notre chair et nous marchons de ce fait par la chair. Mais il est toujours temps de renouveler notre pensée en lisant et en méditant quotidiennement la parole de Dieu. La tentation constitue souvent un obstacle à notre marche spirituelle. Or, pour être remplis de l'Esprit et livrer bataille aux séductions du mal, nous pouvons nous rappeler ce passage de l'Épître de Jacques, chapitre 1, versets 13 à 17. « Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « C'est Dieu qui me tente », car Dieu ne peut être tenté par le mal et il ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Puis, la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché, étant consommé, produit la mort. Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Vous aimez les enseignements du Dr. Stanley, mais vous n'écrivez pas assez vite pour tout noter? Aujourd'hui, l'Espoir vous offre la revue « En contact » qui reprend ses enseignements. De plus, cette revue comprend une pensée enrichissante qui vous permettra de commencer la journée sur le bon pied. Téléphonez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou sur notre site Internet www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en contact et une production de Radio Espoir.